Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, heureux de vous retrouver ce soir, Gaëtan Gosselin, depuis les studios de CKRL, le 89.1, la radio de Québec qui aime le son et qu'on retrouve également sur la toile à ckrl.qc.ca. La Croche-Oreille, c'est une émission d'art sonore, de musique inclassable et d'expérimentation artistique aussi. Tout ça spécialement conçu pour une écoute agréable, attentive et pour le plaisir. Tout simplement. Je vous présente ce soir une émission composée de trois univers sonores, des univers qui flirtent avec la musique. En première partie d'émission, je vous offre des œuvres sonores de la Suédoise Kajsa Lindgren et de l'Italien David Ciampalini. En seconde partie d'émission, on va écouter ensemble quelques-unes des nouvelles créations sonores du Québécois Jean de Rome, des pièces tirées d'un album tout chaud, tout récent, intitulé Rose Drummond. Et pour lancer l'émission, donner le ton aux combinaisons sonores que je vous propose ce soir, on écoute une création de Kajsa Lindgren intitulée Aero. C'est tiré de l'album Momentary Harmony. Très belle pièce de Kajsa Lindgren, qui est une jeune compositrice, musicienne et artiste sonore suédoise dont les œuvres combinent des enregistrements de terrain, des field recording à des environnements électroacoustiques. Ses projets de création prennent la forme d'installations sonores et de performances. Elle mène également des projets de composition pour instruments disons, traditionnelle. L'album que je vous présente ce soir, intitulé Momentary Harmony, c'est un album lancé en 2021 et qui est une très belle illustration de son univers. Kaïssa raconte que Momentary Harmony exprime des variations instrumentales très lyriques qui lui sont inspirées des musiques classiques et des sonorités du quotidien, notamment ce quotidien entendu durant l'enfance. Les arrangements sonores font en outre penser à des univers de Björk notamment. Je vous propose qu'on écoute un enchaînement de deux titres tirés de cet album intitulé Momentary Harmony. Thank you. pièce tirée de cet album intitulé Momentary Harmony. Bien qu'en début de carrière, Kajsa Lindgren compte à son actif déjà plusieurs albums dont le point de départ est souvent son histoire personnelle, histoire familiale. Dans cet album lancé, celui-là en 2019, intitulé Everyone is There, Kajsa Lindgren exploite des enregistrements d'archives qu'elle trouve par hasard dans l'ancien sous-sol de ses parents. L'album, qui compte une vingtaine de pistes, traverse le temps, réinterprétant des enregistrements qui datent des années 60 et 70, certains étant constitués d'extraits audio de sa mère, d'un oncle et du grand-père de Kajsa, faisant une apparition en tant que trio à la radio suédoise de cette époque. Lindgren raconte que cet album est une méditation sur les thèmes de l'héritage, de la famille et de la proximité. Je vous propose qu'on écoute ce que ça donne avec un enchaînement de pièces intitulé, je vous les donne, le Trio for Cello, Piano and Violin, et un deuxième titre qui sera Passing Meadows and Ocean at Night. C'est tiré de l'album Everyone is There. très beau cinéma pour l'oreille, Kajsa Lindgren, c'était tiré de l'album Everyone is There. Je vous présente maintenant quelques œuvres de l'artiste sonore, compositeur et musicien David Ciampalini, dont les recherches sont inspirées par l'improvisation et l'exploitation des synthétiseurs, des enregistrements sur le terrain, le field recording et le travail avec les bandes magnétiques. On dit que son travail oscille entre la musique dite cosmique, on va dire planante, et la musique dite concrète, celle des expérimentateurs sonores. En ce qui concerne son processus de travail, sa technique consiste à enregistrer sur bandes multiples des sonorités de synthétiseurs et des enregistrements en tout genre. Les bandes sont ensuite découpées en petites portions pour être collées et montées au hasard à la manière d'un cut-up, manière Burroughs, Gaisin, Tzara, vous connaissez l'histoire. Alors, pour illustrer ce travail, on va écouter ensemble un premier titre. Il est tiré d'un album intitulé Sorgente, lancé en 2017. Très belle illustration de son univers sonore, cet univers, l'univers sonore de David Ciampalini. Thank you. Alors voilà, on vient d'entendre une pièce, la pièce titre de l'album Sorgente de David Ciampalini, artiste, compositeur sonore italien, qui raconte que cet album s'avère une sorte de voyage imaginaire inspiré par du temps passé en nature, enregistré, dit-il, au cours d'une période d'isolement passée en Toscane, à proximité des Apennins toscans. L'album Sorgente est notamment inspiré par le caractère informe des cours d'eau de cette région de l'Italie. Alors, on a pu le percevoir dans l'extrait précédent. Avec cet album, Ciampalini propose un dialogue entre les éléments naturels des paysages qu'il a visités, lesquels sont transformés par le matériel électronique utilisé pour traiter ce qui a été capté lors des séances d'enregistrement. Ciampalini raconte que les ambiances électroniques de ses compositions ont quelque chose qui rappelle la floraison des champignons, le vert de la mousse qui pousse sur les pierres et les odeurs du sous-sol. Voilà, entouré de magnétophones, de vieux synthétiseurs et d'étranges bidules faits maison, David Ciampalini réinvente les paysages sonores de la Toscane. Alors, on poursuit l'écoute de cet album intitulé Sorgente, la source. No. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission en compagnie du créateur italien David Ciampalini, ses œuvres tirées d'un album intitulé Sorgente. Alors voilà, restez des nôtres, je vous reviens après un bref battement promo avec les créations, cette fois les créations récentes de l'improvisateur créateur sonore Jean de Rome. CKRL. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, rebonsoir. Vous êtes sur les ondes de CKRL, le 89.1, la radio qui aime le son. C'est La Croche-Oreille, l'émission qui se passionne pour la création sonore. Et on entame la seconde demi de l'émission avec un récent projet du Québécois Jean de Rome, un projet intitulé Rose Drummond. Jean de Rome, c'est une figure majeure de l'expérimentation sonore et musicale du Québec. Compositeur, improvisateur, interprète, impénitent, parfois loufoque, de Rome lançait en septembre dernier un album hommage intitulé Rose Drummond, un album réalisé à partir d'un recueil de ready-made et de chansons absurdes réalisées avec la collaboration de René Lucier et de Joanne Etu, rien de moins. Alors, pour lancer le bal, je vous propose qu'on écoute un premier titre intitulé « Lulu a vu le hibou » et je vous raconte cette histoire de cet hommage à Rose Drummond. À la boxe, dit Xavier. Un ballon roule, un ballon bondit. Lulu a vu le hibou, blanc et bleu. Il s'est envolé. Laura aime sauter près du sol. Lulu a vu le hibou tiré de l'album Rose Drummond, le dernier album, en tout cas l'album le tout récent de Jean de Rome, qui est un hommage à la grande artiste et pionnière québécoise Rose Drummond. Alors, peu d'artistes, raconte Jean de Rome, auront autant marqué l'imaginaire québécois et eu autant d'impact sur le territoire québécois que la sculpteur et artiste d'installation Rose Drummond. Ses pièces majeures, dit-il, presque toutes visibles depuis l'autoroute 20, le principal axe routier du Québec, témoignent de sa force créatrice et de son désir d'interpeller le Québec tout entier. Son installation, la plus connue d'ailleurs et la plus populaire, demeurant sans doute Autobus Girardin, une installation résultant de l'alignement d'une centaine d'autobus scolaires qu'on peut observer à proximité de Drummondville quand on y arrive. La visite, en outre, des ateliers Rose Drummond demeure aussi un incontournable pour quiconque visite cette région, présentant des archives, notes de travail, maquettes et une foule d'artefacts couvrant toute sa carrière. La visite de l'atelier en vaut le détour et ce, même si un grand nombre de Québécois l'ignorent. En guise de préambule à l'écoute d'une pièce, celle-là intitulée « Mouvement », je vous propose qu'on écoute les paroles du compositeur et musicien Michel F. Côté à propos de cet artiste mythique, Rose Drummond. Oui, je fais partie des chanceux et des chanceuses qui ont pu croiser Rose Drummond. Elle était déjà mythique au moment où je l'ai rencontrée. Étonnamment, on en parlait peu d'elle dans les médias conventionnels, à la fois sculpteur, performeuse, artiste, toute catégorie. J'ai eu le bonheur d'être invité par elle à participer à une de ses performances. C'était au Symposium de sculpture à Saint-Jean-Port-Joli, c'était précisément en 82. Et elle me contacte pour me dire, écoute, je fais une performance sculpturale, mais dansée. Je deviens moi-même la sculpture. Voudrais-tu m'accompagner musicalement? J'ai dit oui, j'ai accepté. Elle ne voulait pas qu'on répète, elle me regardait, me disait quelques mots, cessait de bouger et de parler pendant parfois jusqu'à une heure. Je me sentais entièrement déplacé. Et ça, c'était une des techniques, je dirais, de Rose Drummond dans son rapport à la performance. Elle déstabilisait non seulement ses partenaires, mais aussi les spectateurs potentiels. Faites des tâches comme des bras, mouvement, ou saute dans le rien. Effort tournant, étant seul, ou les foules, quel nombre incalculable s'avance, s'ajoute, s'étend, s'étend. Adieu fatigue, adieu bipède, économe à la station de cul et de pont, le fourreau arraché, on est autrui, n'importe quel autrui. On ne paie plus tribut, une corolle s'ouvre, plongée sans fond. Faites des tâches, gamme des bras, mouvement, ou saute dans le rien. Effort tournant, étant seul, on est foule, quel nombre incalculable s'avance. S'ajoute, s'étend, s'étend. Adieu fatigue, adieu bipède, économe à la station de cul et de pont. Le fourreau arraché, on est autrui, n'importe quel autrui. On ne paie plus tribut, une corolle s'ouvre, plongée sans fond. Thank you. jubilé pourrais jeter, pour désabriter, pour restabiliser, pour renaître, pour raturer, pour clouer le bec à la mémoire, pour repartir. Tâche, tâche, pour obnubiler, pour rejeter, pour désabriter, pour restabiliser, pour renaître, pour raturer. Dans le rien, effort tournant, étant seul, on est foule. Quel nombre incalculable s'avance, s'ajoute, s'étend, s'étend. Adieu fatigue, adieu bipède et colombe, à la station de cul et de pont, le fourreau arraché. N'est autrui, n'importe quel autrui, on ne paie plus tribu, une corolle s'ouvre, plongée sans fond. C'était la pièce Mouvement tirée de l'album Rose Drummond, dernière parution du créateur improvisateur Jean de Rome, rendant hommage à la mythique Rose Drummond. Volet précédé en première demi de l'émission des récentes créations de l'artiste Kajsa Lindgren, d'origine suédoise, et des œuvres de David Ciampalini, artiste sonore italien. Alors, grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres que vous retrouverez assez facilement sur les plateformes Bandcamp, SoundCloud, ainsi que sur les labels Récital, Tour de bras et Dame. Vous trouverez également la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille, ainsi que les émissions produites jusqu'à maintenant pour écoute immédiate ou encore en différé. Cela dit, pour clore la soirée en écoute, je vous propose des extraits de l'album de Jean de Rome, Rose Drummond. Voilà, quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL et sur le web pour une autre aventure sonore. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. La bombe qui pourrait tout détruire, je ne veux pas m'en soucier. Faire toujours le soleil va luire tant que je serai dans tes bras. La bombe qui pourrait tout détruire, je ne veux pas m'en soucier. Car toujours le soleil va luire tant que je serai dans tes bras. Bien sûr, il y a eu des coups durs qui ont failli nous désunir. Toujours ta tendresse, ton sourire sont venus tout arranger. La bombe qui pourrait tout détruire, je ne veux pas m'en préoccuper. Car toujours le soleil va revivre tant que je serai dans tes bras. Bien sûr, il y a eu des coups durs qui ont failli nous désunir. Mais toujours, ta tendresse, ton sourire sont venus tout arranger. La bombe qui pourrait tout détruire, je n'avais pas m'en préoccuper. Car toujours, le soleil va reluire tant que je serai dans.